Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va être ensemble pour la prochaine heure. J'ai encore plein de bonne musique pour vous. Encore une sélection assez éclectique. On va débuter avec musique un peu tendance électronique, puis on va finir avec du gros rock sale. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Si vous manquez des petits bouts d'émission, ben rappelez-vous que l'émission est disponible en balado-diffusion. Donc, vous pouvez télécharger les émissions antérieures. Donc, pour ça, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, une page remplie plein de ressources concernant la musique gratuite. Cette semaine, on va débuter avec un artiste russe du nom de Cubic qui est sur le netlabel Mix Galaxy Records. Je vous en fais passer souvent de ce temps-ci. C'est un netlabel qui est assez récent. Ils ont toujours des trucs vraiment intéressants. Donc, on va entendre la pièce Hunt de Cubic. Ensuite de ça, sur le netlabel Error Broadcast, je vous fais passer Sweet Art, la pièce Wonky Cars. Donc, on débute tout de suite Web Music avec Cubic. Ernest Hemingway once wrote, It's because time is a factor. I think fast, I talk fast, and I need you guys to act fast if you want to get out of this. So, pretty please, with sugar on top. Clean the fucking... C'était l'artiste allemand Sweetheart, donc une pièce vraiment intéressante qui s'appelle Wonky Cars. C'était sur le netlabel Error Broadcast. C'est un netlabel qui vient de l'Italie et de l'Allemagne. Avant ça, on avait débuté l'émission avec Cubic, la pièce Hunt. Une pièce vraiment spéciale. Je pense que je l'ai écoutée à peu près 100 000 fois cette semaine. Je me tanne vraiment pas. Donc, c'était sur le netlabel Mix Galaxy Records, un tout nouveau netlabel qui vient de la Russie. On va poursuivre avec Pierrot de Moon, un Français, donc sur le netlabel Pavilion 36 Recordings. Je vous fais entendre sa pièce Oggy Oggy. Puis ensuite de ça, je vais vous faire entendre Georg Eck, qui est sur le netlabel Stiga Music. Je vous fais passer sa pièce Lake of Moon Eyes. Donc, c'est ça. On écoute tout de suite Pierrot de Moon. Thank you.

C'était Georg Hecht, un Allemand, avec sa pièce Lake of Moon Eyes. C'était sur le net label Stega Music. Avant ça, c'était le français Pierrot de Moon avec sa pièce Oggy Oggy. Ça se retrouvait sur le net label français Pavilion 36 Recordings. Un net label qui vaut vraiment la peine de visiter, qui ont toujours des trucs vraiment intéressants, vraiment originales. Donc, c'est ça, vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On va poursuivre avec deux artistes, plutôt un groupe et un artiste qui viennent de l'Ohio. La première pièce que je vais vous faire passer, il s'agit de Weird Lovemakers, donc un groupe qui vient de Columbus. Je vous fais passer leur pièce Quiet Spillage. Puis ensuite de ça, c'est Mr. Melvis avec sa pièce A Walk Through the Powerhouse. Donc, vous allez entendre deux pièces à tendance lounge. C'est sur le net label, le défunt net label Comfort Stand Recordings. C'est tiré d'une compilation qui est vraiment intéressante, une compilation de musique à tendance exotica. Donc, la compilation s'appelle Two Zombies Later, Strange and Unusual Music from the Exotica Mailing List. Donc, c'est une compilation de musique à tendance exotica qui se retrouvait sur les mailing lists. C'est assez intéressant comme compilation. Je vous invite à la télécharger pour une musique d'ambiance, musique lounge. Il n'y a pas mieux comme compilation. Donc, c'est ça, on débute avec The Weird Lovemakers. We'll be right back.

le disquaire qui aime la musique. Ouvert 7 jours et tous les soirs, du lundi au vendredi, au 1149 Avenue Cartier. La Fournie Bio utilise des méthodes traditionnelles. L'expérience de son équipe de boulangers et pâtissiers vous garantit un produit de qualité irréprochable. En devenant membre de CKRL, obtenez 10 % de rabais à la Fournie Bio au 1296 3e Avenue, 522-4441. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575 poste 203 ou passez au 405 3e Avenue ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Let's go! Tous les mercredis, Tania Beaumont vous met au parfum de l'actualité culturelle et vous présente l'émission Québec, c'est pas un village à l'antenne de CKRL. C'est un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 afin de tout connaître sur la vie culturelle de Québec en direct du bar Le Sacrilège. Hey! I wanna go crazy. Vivre ce qui se passe à Québec, branché sur la relève. Un seul endroit, une seule fréquence. Au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, pour 89,1 CKRL, la radio culturelle. Une présentation de Boréal et de Pastissimo. I wanna go crazy. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio culturelle à Québec. Touch Caroling, that's who escaped now. Touch Caroling, that's who escaped now. De retour à Web Musique. Donc, tout juste avant la pause, on entendait deux pièces sur la compilation Two Zombies Later, Strange and Unusual Music from the Exotica Mailing List. Donc, sur le net label, le défunt net label Comfort Stand Recordings. Donc, c'est ça, on entendait Mr. Melvis, la pièce A Walk Through the Powerhouse. Avant ça, c'était The Weird Lovemakers, un groupe de Columbus en Ohio, avec leur pièce Quiet Spillage. Donc, pour poursuivre Web Musique, on va entendre deux groupes vraiment intéressants. Le premier de la France s'appelle Painting by Numbers. C'est sur le net label Lost Children qui vient de l'Angleterre. Je vous fais passer leur pièce Conceal, Confine, Tentative. C'est un démo live. Vous allez voir, ça sonne quand même assez bien. Le son est vraiment intéressant. Puis ensuite de ça, un groupe complètement pété du nom de Pigeons and Crazy Porridge Makers. Je vous fais passer leur pièce Triptych. C'est un groupe qui est russe, donc vous allez reconnaître, vous allez voir, c'est vraiment intéressant comme groupe. Ça se retrouve sur l'étiquette Clinical Archive, une étiquette qui vient de la Russie. Si vous voulez me contacter pendant l'émission, ben vous pouvez m'appeler au 640-1586. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, ben c'est ça. On débute tout de suite avec Painting by Numbers. We'll be right back. c'était The Pigeons and Crazy Porridge Makers, un groupe de la Russie. C'était leur pièce Triptych. C'était sur le netlabel Clinical Archive, un netlabel qui est russe. Pigeons and Crazy Porridge Makers, qui me rappelle un peu Interférence Sardine. Il y a des sonorités un peu semblables. Donc, je vous invite à télécharger cet album-là. Il est bon d'un bout à l'autre. Un album vraiment original. Avant ça, c'était Painting by Numbers, un groupe français. C'était sur le netlabel Lost Children. Donc, on va poursuivre avec une pièce qui bûche énormément. C'est comme un coup de botte de ski dans les chenolles. C'est un groupe du Japon qui s'appelle Boris. Je vous fais passer la pièce Floor Shaker. Thank you. que ça faisait du bien. C'est le groupe japonais Boris avec la pièce Floor Shaker. Donc, une pièce qui dure 8 minutes, complètement débile. On va poursuivre avec un groupe qui vient de l'Écosse qui s'appelle We Were Promised Jetpacks. Donc, j'adore ce nom-là. Je vous fais entendre leur pièce Quiet Little Voices. J'ai pris ça sur la Free Music Archive, donc une archive de musique gratuite qui a été lancée par l'excellente radio WFMU. Donc, je vous invite à écouter ça, c'est vraiment bon. Puis, ensuite de ça, ça va être The Pink Noise, un groupe de Montréal, la pièce Black Cadillac. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on entend We Were Promised Jetpacks. C'était de Pink Noise, donc un groupe de Montréal, un excellent groupe que j'ai déjà vu en concert. Voyons, c'était au Bateau de Nuit, donc pas mal spécial à voir live. C'était la pièce Black Cadillac. Avant ça, c'était le groupe écossais We Were Promised Jetpacks, la pièce Quiet Little Voices. Ben, c'est déjà tout pour Web Music. Tout de suite après, ben, ça sera malheureusement pas poil de carotte. Monsieur Grondin est à une conférence de roue, donc il pouvait pas se venir pour l'émission, mais il est crainte. La semaine prochaine, il va être de retour. Donc, c'est ça. Restez sur les ondes de CKRL. On a encore plein de bonne musique pour vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. Passez une belle semaine. Ici Raymond Poirier. Jeudi 10 décembre, avant 9h, tout est possible, c'est à l'extérieur que ça se passe. Sous le chapiteau, coin 3e avenue et 4e rue. Pourquoi? Parce que c'est la grande guignolée annuelle des médias. Alors que les bénévoles de CKRL s'affairont à recueillir vos dons, j'aurai le plaisir de vous offrir une émission qui saura réchauffer vos cœurs. Et je ne serai pas seul. La conteuse Arline Thibault nous entraîne dans son univers fantastique. Nicolas Médieu et Marie-Serge Blais nous proposent un gros menu pour petit budget. Le tout rythmé par des entrevues, un survol de l'actualité et des prestations en direct de la formation Strada. Jeudi 10, entre 7h et 9h, syntonisez CKRL ou venez nous voir. Et soyez généreux, car ce sera la Grande Guignolée des médias, édition 2009. La musique britannique à mes années. Un petit fond pour les artistes avec la Troubadour. Célébrez Noël au bureau en bonne compagnie avec la Troubadour, une bière 100% québécoise. $1 par bière vendue est directement versé au fonds de la Jeune Relève artistique de Québec. Ainsi, vous contribuerez au financement de projets de jeunes artistes de la relève grâce à votre générosité. La Troubadour, une bière impliquée et savoureuse. Pour information, c'est Dec de Québec ou directement à l'Intermarché Saint-Laurent. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.